vois des films, 100 fois les mêmes crimes, les mêmes scènes. Elle travaille seule, elle place les gens, dernier fauteuil ou premier rang. Les phrases d'amour sur grand écran, la nuit, le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres, et quelquefois qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Les amoureux qui ratent le film en fermant les yeux. Elle vend ses glaces avec ses rêves. Un sourire passe au bord de ses lèvres. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle maquille son désespoir. Oh, magique boulevard. La demoiselle à lampe de poche se voudrait belle pour faire du cinoche. Parfois quelle chance, la salle est vide une séance, elle devient Ingrid. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle maquille son désespoir. Oh, magique boulevard. Elle voit passer des gens connus, des gens glacés qui ne parlent plus. Jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin.